Il semblait parfaitement naturel que Melchior fût invité seul ce jour-là. Gauthier paraissait en mal de compagnie masculine, et l'indépendance affichée d'Anna, aussi bien que la sauvagerie d'Albe, lui permettait d'inviter Melchior à un rapprochement individuel sans se rendre discourtois. Melchior arriva juste à temps pour passer à table, table qui était mise avec élégance dans la véranda. Olga, sous des dehors de décontraction et de simplicité qui prouvaient assez sa coquetterie, avait bien entendu orchestré un déjeuner des plus raffinés. Clara était déjà assise lorsqu'il arriva. Elle était revêtue d'une longue robe pâle, peut-être blanche, portait des fleurs coupées dans les cheveux, et observait Melchior avec des yeux grands ouverts, à la fois timides et intimidants. Elle était assez jolie, mais il émanait d'elle une extrême vulnérabilité, comme si elle était sans cesse sur le point de s'offrir ou de pleurer, comme si le moindre détail de l'existence imprimait encore en elle, à chaque seconde, une marque indélébile. Melchior lui baisa la main, affectant un respect qu'elle ne lui inspirait pas, et la complimenta sur sa coiffure avec un accent assez tendre. Elle baissa les yeux et murmura un remerciement, ce qui parut combler son père de satisfaction et qui flatta au fond de Melchior un instinct carnassier. Olga, qui était partie quelques minutes plus tôt à la recherche de son fils, Nils, revint avec un sourire parfaitement soulagé. « Il arrive, » dit-elle. « Ainsi nous pouvons commencer à nous servir. J'espère que vous ne vous formaliserez pas, Melchior, car tout est très simple. Je n'aime pas les repas protocolaires à midi. » Melchior considéra un instant la table, où il était persuadé que ne manquait aucune épice, aucun rince-doigt, aucun couvercle, et décida de rentrer dans le jeu de son hôtesse. « Vous avez raison, il n'y a rien de plus assommant que les gens qui vous infligent les bonnes manières avant 18 heures. » Olga sourit, et Nils apparut derrière elle. Il ressemblait un peu à sa sœur, bien qu'il fût beaucoup plus beau, et dégagea quelque chose de beaucoup plus troublant. Il posa sur Melchior des yeux vides, hocha la tête furtivement, et s'assit assez maladroitement à table. Melchior hésita à lui adresser la parole, mais Gauthier l'en empêcha. « Comme vous avez pu le constater, nous sommes finalement fort peu nombreux dans l'île. Avec vous, à peine une petite vingtaine. Cela semble dérisoire. » Melchior sentit que l'entretien menaçait de tourner à l'échange d'informations et se raidit imperceptiblement. « Oui, c'est une petite communauté, » dit-il. « J'imagine que vous devez tous très bien vous connaître. » « À moins qu'il n'y ait beaucoup de changements ?»« Non, » intervint Olga. « C'est une petite communauté très stable. » C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes tous si intéressés par votre arrivée. Vous êtes tout simplement l'événement du siècle. » Nils leva les yeux sur Melchior et le fixa pendant que sa mère parlait. Melchior lui sourit, mais il ne lui retourna pas sans sourire, et Melchior songea que ce regard silencieux avait quelque chose d'extra-lucide. « Et vous ?» demanda Clara. « Venez-vous d'une communauté plus nombreuse ?» Melchior sourit, car la question, ingénument posée, était celle qui brûlait depuis plusieurs jours les lèvres de ses parents. « Oui, Clara, » dit-il gentiment, « je viens d'une communauté plus nombreuse. »« Comment était-ce là-bas » insista-t-elle, incapable de résister à son immense curiosité d'un ailleurs. Melchior, sans se départir de son sourire figé, découpa tranquillement un morceau de sa viande, le mangea et avala une gorgée de vin. Gauthier et Olga restaient suspendus à sa réponse. Il se permit de jouir à son aise de l'intérêt violent qu'il suscitait. « Très différent, d'ici. Il faut vous imaginer une sorte de cité où vous croisez chaque jour des visages inconnus dans la rue, mais où cependant vous faites partie d'un cercle plus restreint. Pas un cercle fermé, comme ici, mais un cercle tout de même. » Melchior regardait alternativement ses quatre interlocuteurs, se complaisant dans le rôle de l'aventurier et du conteur. Une lueur passionnée, presque jalouse, éclairait bizarrement le visage d'Olga. Sa fille buvait ses paroles comme s'il s'agissait de syllabes mystérieusement incantatoires. Nils regardait son assiette avec ostentation. Gauthier, enfin, exultait manifestement, non seulement parce que les informations coulaient de la bouche de Melchior comme un or inattendu, mais aussi parce que c'était lui qui avait pris l'initiative de l'inviter. Il était possible là-bas d'adresser la parole à une jeune fille inconnue et de tomber amoureux d'elle, ajouta Melchior à l'intention de Clara, mais sans la regarder. « À quoi passiez-vous vos journées ?» demanda Olga. « À quoi passez-vous les vôtres ?» reprit Melchior en s'absorbant dans le découpage délicat d'un aileron. Clara se mit à rire, et Melchior songea qu'une jeune fille sensée n'aurait pas signalé, par un tel éclat d'impudeur spontanée le moment où elle était séduite. « Vous nous apportez des parfums exotiques, » dit-elle en riant. « Nous allons boire ce lait de questions. » Melchior eut un rire bienveillant qui contrastait assez esthétiquement avec la cynique indifférence qu'il éprouvait. « Je vous en prie, posez-moi toutes les questions que vous désirez. Je me ferai une joie d'y répondre, ou un plaisir de les esquiver. » Clara s'arrêta de rire et le considéra avec un regard un peu changé, où se lisait la naissance, prématurée, monstrueuse, d'un sentiment de confiance. Melchior eut un peu de mal à soutenir ce regard, mais le sentiment de toute-puissance qu'elle lui inspirait eut raison en une fraction de seconde du scrupule qu'elle lui dictait de s'en tenir là. Clara jeta un œil vers ses parents qu'elle jugeait sans doute anormalement silencieux et qui l'encouragèrent par des sourires faussement attendris. « Je peux vous poser n'importe quelle question ?» demanda-t-elle enthousiaste. « Oui, » dit Melchior. Olga se leva pour débarrasser, avec un sourire qui feignait de s'amuser de ses enfantillages, mais qui dissimulait mal la tension de ses traits. « Pourquoi avoir changé de communauté ? Je l'ignore. Vous habitiez déjà avec vos sœurs auparavant ? Oui. Vos sœurs faisaient-elles partie du même cercle que vous dans la cité ? Oui, bien sûr. Avez-vous gardé des contacts avec les gens que vous connaissiez ? Non. Avez-vous déjà changé plusieurs fois de communauté ? Melchior hésita un court instant, surpris par la question, et décida de ne pas y répondre. « Cela fait partie des zones qui doivent rester dans l'ombre si vous souhaitez que je conserve ce parfum de mystère, » dit-il en souriant. « Clara, » dit Gauthier, « cela suffit. Tu as déjà abusé de la patience de notre hôte. » « Me permettrez-vous de vous poser à mon tour une question ?» demanda Melchior à Olga, qui était réapparue aussitôt. Olga éclata de rire. « Allons bon, » dit-elle, « qu'allez-vous me demander ?» Melchior la fixa avec une intensité calculée, comme s'il rassemblait son courage ou cherchait des mots difficiles. Nils s'était arrêté de manger et le dévisageait à nouveau avec son expression impassible. « Quel est le secret de votre crème glacée ?» L'éclat de rire qui suivit fut presque général, presque, parce que la plaisanterie n'avait pas provoqué la moindre réaction chez Nils, dont les yeux immobiles et froids commençaient à se teinter de colère. On parla ensuite de choses et d'autres, sans plus poser la moindre question embarrassante, et Melchior termina le repas en se résolvant à imiter ses interlocuteurs qui évitaient systématiquement de poser leurs yeux sur Nils. Il apprit que Serena vivait à côté de sa sœur, de son beau-frère et de sa nièce, et que Brugge résidait un peu plus loin avec son père. Clara lui proposa de lui faire faire le tour de l'île pour lui montrer toutes les villas, ce qu'il déclina d'une façon qui le fit paraître plus aimable encore que s'il eût accepté. En prenant congé, alors pourtant que rien n'avait échappé à son contrôle, il fut traversé par l'idée soudaine que Clara, au lieu d'être une proie facile, s'était peut-être entièrement jouée de lui.